Cette semaine, dans la chronique Nutrition, on reçoit Stéphanie Ray et Kate Anna du service de traiteur Le Gosier à Barrie. On a décidé là, de reprendre l'entraînement peut-être cet automne. On s'entraîne déjà, mais on trouve qu'on manque peut-être d'énergie, puis on sait pas trop pourquoi. Il y a peut-être l'alimentation qui vient là-dedans, ou peut-être on mange tout le temps la même chose. Alors, Stéphanie et Kate vont nous donner quelques petites ressources peut-être pour avoir plus d'énergie et peut-être mieux manger aussi. Salut les filles! Allô! Alors, cette semaine, on parle d'entraînement, de nutrition. Tout d'abord, est-ce que vous vous entraînez? Moi, oui. Je fais du CrossFit. Oui, un petit peu. Je fais du yoga. Oui, puis du yoga, puis je cours sur le treadmill et tout ça, mais pas CrossFit comme Stéphanie, là. Quand on regarde ça, le CrossFit, le gym, faire du yoga, est-ce que ça prend d'une certaine façon une alimentation différente où on peut manger toute la même affaire et ça va être correct pour tout le monde? Ça dépend, je pense, de ton comme niveau d'activité puis ton niveau d'entraînement. Donc, si tu veux traîner pour des Olympiques, c'est plus différent que quelqu'un qui comme traîne juste sur la fin de semaine ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense que ça dépend vraiment de ton niveau d'énergie, du niveau d'intensité de ton sport, puis de ton but aussi. Est-ce que ton but, c'est juste de te maintenir puis de rester en forme? Est-ce que c'est de bâtir une masse musculaire plus élevée? Est-ce que c'est une perte de poids? Je pense que tous ces facteurs-là doivent jouer puis rentrer en compte. Puis aussi, une chose qu'on remarque, c'est que c'est beau s'entraîner à fond, mais si la nutrition vient pas avec, tu verras pas de résultats ou tu vas les voir très lentement. La nutrition, on parlait du 80-20 la semaine passée, ben c'est à peu près la même chose pour l'entraînement. Tu sais, si tu t'entraînes à fond, mais que tu manges des cochonneries, ça fera absolument rien. Il faut vraiment que tu gardes, tu sais, c'est 80% nutrition puis 20% entraînement. Si je prends mon expérience personnelle à moi, je vais au gym 3-4 fois par semaine et j'ai comme pris l'habitude de manger que du poulet, des poitrines de poulet et du riz, des patates. Faut dire, ben, je mange aussi beaucoup, beaucoup de légumes et de fruits. J'ai trouvé que ça m'avait aidé, mais est-ce qu'on est obligé de toujours manger la même chose? Qu'est-ce qu'il faut privilégier, entre autres, pour monsieur, madame, tout le monde? Je pense que tu dois pas manger juste comme des poitrines de poulet, comme tu peux manger comme des pois chiches, tofu, du bœuf. Moi, j'aime beaucoup le bœuf moins élevé en gras, comme un bœuf haché. Comme un bœuf haché maigre. La dinde, j'aime beaucoup. Dinde hachée, c'est un substitut que je vais faire beaucoup comme dans mes recettes. Au lieu du bœuf haché, je vais mettre de la dinde. Comme ça, c'est très élevé en protéines, faible en gras. Encore là, ça dépend de ton but d'entraînement. Il y a différentes façons d'approcher ça, je pense. Il y a des gens qui disent, bon, ok, tu peux pas manger de pain, de patates, nanana. Il y en a qui disent comme oui. Si tu bâtis beaucoup de masse musculaire, tu n'auras comme pas le choix de manger comme du riz, des patates, des choses comme ça. Si tu es en perte de poids, à ce moment-là, tes lipides vont descendre, c'est certain. Mais je pense que de garder un bon taux de protéines quand même, tu sais, pas juste manger de la protéine, mais ce qu'on mange habituellement, c'est pas nécessairement assez. Oui. La plupart des gens sont toujours un peu en déficit en termes de protéines, donc je pense que faut en ajouter. En ajouter, oui, exactement. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution, c'était de manger des amandes parce que ça contient beaucoup de protéines. 50 grammes, ça donne environ 10 grammes de protéines, ce qui est vraiment excellent. Mm-hmm. Les noix, par exemple, il faut faire attention sur le niveau de gras. À ce moment-là, c'est bon. Oui. Ça dépend vraiment de ton but, là, mais c'est de bien calculer tout ça. Puis, en fond, moi, ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est quelques petites ressources pour justement calculer ça, puis se donner une idée de, OK, c'est quoi notre plan, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi notre but, puis comment on va se rendre là. Tu fais des Ironman, puis la semaine avant, le mois avant, tu mangeras pas de la même façon que tu manges quand t'es pendant que c'est l'hiver, puis que tu t'entraînes pas, mais que tu veux te maintenir, right? Oui, c'est certain. Tu ne commenceras pas à manger des chips pour autant, sauf que ce ne sera pas le même niveau d'intensité. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est de calculer, dans le fond, nos macronutriments. Donc, ça, nos macros, dans le fond, c'est combien de protéines, combien de lipides, combien de gras je dois manger dans ma journée pour tout équilibrer la patente. On fait comment pour savoir ça? Ben, c'est justement le lien que je vais vous donner qu'on peut mettre en ligne, ça s'appelle macrofit.com. Ça va te permettre, dans le fond, de calculer ce pourcentage-là. Et puis ensuite, c'est quand même assez facile. Un coup que tu sais, bon, je dois manger 20 grammes de lipides, ou de, pas de lipides, 20 grammes de protéines par jour, par exemple, pour mon poids, ma grandeur. Ben, ça aussi, ça dépend. T'sais, moi puis toi, on n'est pas pareil, là, tu sais, fait que les montants puis les quantités vont être différentes. C'est certain qu'une petite madame de 5 pieds, 110 livres, puis un grand gars comme moi de 5 pieds 10, 190, ça va être différent un peu. Exactement. Oui. Fait que, tu sais, en y allant avec ton poids, ton but, d'où ce que tu pars, non, ça va tout changer tes macros. Donc, déjà de calculer ça en partant, tu peux même regarder sur Google. Là, nous, on va vous mettre un lien qu'on aime bien, mais sinon, tu dois regarder en ligne. Ça te donne une idée de base. Puis là, ensuite, à partir des macros, ben, tu peux calculer ta nourriture. Il y a un site que j'aime bien pour certains aspects, puis il y a même une application de téléphone, ça s'appelle MyFitnessPal. Oui, je connais. MyFitnessPal, c'est bon parce que c'est facile de calculer les ingrédients, puis tu peux même comme scanner des étiquettes avec ton téléphone. Fait que genre, t'achètes des wraps à l'épicerie, tu peux scanner l'étiquette en arrière, puis ça va, parce que ça a une grande base de données, il va être capable de dire, ah ben ça, il y a tant de choses dedans. Puis c'est gratuit comme application. Fait que c'est bien. Ce que j'aime moins, c'est que quand ils font ton calcul, ils disent comme, ah, oh, ben, t'as 2000 calories par jour, mais si tu t'entraînes, tu peux manger un autre 500 calories, comme. Fie-toi pas vraiment à ça, là, mais tu peux te fier à la partie qui indique, OK, ça a tant de choses, ou voici ce que t'as mangé dans ta journée, puis ça fait un peu comme un journal de bord de ta nourriture. Je trouve ça bien parce que je l'ai déjà utilisé et je trouvais que ça marchait très, très bien. Là, pour les gens là, qui voudraient le télécharger, je vous le conseille. Ouais, c'est gratuit en plus, puis ce qui est bien, c'est que souvent c'est difficile, tu sais, comme quand on est à la maison, puis tout, tu sais, sortir sa balance, ça va se mesurer, c'est pas pire, mais dès qu'on sort de la maison, c'est difficile de dire comme, ça c'est une demi-tasse de riz, ou c'est plus comme une tasse, ou tu sais, donc juger les portions à l'œil, ça prend beaucoup d'expérience. Tu sais, moi et Piquette, on fait ça toute la journée, là, mesurer de la bouffe, puis même des fois, on en fait trop ou pas assez, fait que c'est certain que c'est difficile des fois de juger les portions, puis surtout au restaurant qu'on mange à l'extérieur, les portions sont toujours beaucoup plus grosses que ce qu'on planifie. Oui, parce que ça, je pense pas que en cette fin de semaine, pendant l'Action de grâce, on va chez de la famille, des amis, puis on amène la balance ou on demande à mon oncle, ma tante, pèse-moi là, mon assiette pour être sûr que je dépasse pas. Là. Ça non, se fait pas un peu. C'est pour ça aussi qu'il faut une balance dans tout. Là, tu sais, c'est l'Action de grâce, tu vas chez tes parents, tu manges la veine, ben, c'est une bonne protéine. T'as peut-être pas besoin de manger tout le stuffing et la tarte au citrouille, mais si tu manges, tu sais, un peu de riz, plein de légumes, une salade, tu manges de la dinde, ben tu sais, t'as pas besoin de calculer, tu sauras au moins que t'as bien mangé, puis that's it. Puis même si tu veux un morceau de tarte, ben à ce moment-là, si ça rentre dans ton 20% de l'océan, si tu vas en profiter, ben go for it. Moi, j'aimerais ça aborder un petit peu là, l'aspect perte de poids parce qu'il y a souvent des madames ou des messieurs aussi, là, dans 30-40, même un peu tout âge, qui veulent perdre du poids, qui ont de la misère. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller, là, point de vue alimentaire pour ces gens-là? Encore, je pense que c'est pas des aliments particuliers, c'est vraiment les quantités. Parce que c'est super facile de dévier un peu de ça, puis on y pense pas des fois, puis on prépare à souper, puis on mange ici, on grignote ça, on se prend un morceau de pomme, tu sais. C'est tous ces petits morceaux-là dans notre journée vraiment qui fait une différence, mais je pense que si on est vraiment conscient quand on mange, qu'on n'écoute pas la télé, tu sais, qu'on s'assoit à la table, qu'on prenne des bonnes habitudes alimentaires en termes de je m'assois avec quelqu'un où je prends le temps de manger, puis d'écouter mon cerveau, puis de me dire comme ah, j'ai plus faim ou j'ai faim, ou tu sais, le la sainteté, c'est difficile un peu de des fois à déterminer parce qu'on est occupé ou on mange dans la voiture, puis on mange un peu sans vraiment y penser. Puis c'est là que parfois, peut-être qu'on n'aura pas faim puis qu'on va manger quand même ou qu'on va trop manger ou quoi que ce soit. C'est vrai que déjà, nous autres, les Nord-Américains, on se fait déjà des bonnes assiettes. Puis quand on est avec des convives, on dirait qu'on s'en rend même pas compte. On mange, on prend du vin, on est là 2 heures à se faire une raclette ou peut-être même une fondue. On mange du pain à quantité industrielle, du fromage. Dans ce temps-là, c'est là qu'on va dépasser un petit peu. Mais faut prendre le temps là, de réfléchir avant, de dire, je n'ai-tu vraiment de besoin? Exact. Mais tu sais, même une fondue, c'est un exemple parfait parce que veux pas si tu mets ta bouchée dans le bouillon, t'attends. Fait que tu sais, ton cerveau a le temps de te dire « Ah, t'as assez mangé, une bouchée, puis je pense que tu vas avoir fini la prochaine brochette, that's it. » Mais quand tu fais une grosse assiette ou que tu as le plat de lasagne sur la table au lieu d'être dans la cuisine, tu as tendance à te resservir ou à manger plus rapidement. Mais si tu ralentis un peu, à ce moment-là, ton cerveau a le temps de dire à ton ventre que tu n'as plus faim. Comme moi qui ai déjà travaillé, comme d'autres personnes aussi, qui travaillent dans les usines qui ont juste 30 minutes, est-ce que de pelleter, comme on dit, là, en dedans de 5 à 10 minutes ton assiette, ça va avoir une incidence supérieure à prendre du poids que si on prendrait 30 à 40 minutes pour manger comme il faut plus lentement? Oui, puis non. Je pense que si ton lunch est bien déjà proportionné, ben tu mangeras pas plus si tu n'en as pas apporté plus, là. Mais ce serait de bien planifier ta journée, ce serait d'avoir peut-être un bon déjeuner complet avant d'y aller parce que tu ne pourras pas grignoter dans la journée ou quoi que ce soit. Puis ensuite, manger ton dîner comme il faut. Puis ensuite, au retour, là, manger un bon souper équilibré. Parce que moi, j'avais entendu ça. Si tu manges trop vite, tu vas peut-être prendre plus de poids. Oui. Mais c'est la corrélation avec manger plus parce que tu manges plus vite aussi. OK. Ton corps n'a pas le temps de te dire que tu n'as plus faim. OK, c'est le cerveau qui fait pas la transition, le signal qui se fait. Ah, c'est bien ça. Je vais peut-être, la prochaine fois, manger un petit peu moins vite. Ça va peut-être... je prendrai peut-être pas 5 livres par semaine, en fin de compte. Ouais. Puis, d'autres petites ressources qu'on voulait te parler aussi, c'est que le best, c'est vraiment de s'asseoir avec une diététiste ou un diététiste, puis de voir, d'établir notre plan ensemble. Puis eux, ils font tous les calculs pour vous. Mais des fois, c'est pas nécessairement accessible, mais ça peut être vraiment une belle option. Donc, on t'a mis un lien pour voir dans la région ici, Barrie, et puis dans Simcoe, où est-ce qu'on peut aller. Celui qui nous vient toujours en tête, c'est avec le RVH, avec l'hôpital. Donc, les autres, ils ont des cliniques externes là, avec des diététistes certifiés puis qui peuvent nous aider. Et puis, sinon aussi, il y a une ressource en ligne que j'ai des amis qui ont déjà utilisée qui fonctionne quand même assez bien, puis c'est pas super cher. C'est à peu près 10$ par mois. Ça s'appelle Avatar Nutrition. Ça permet en fait de faire ton calcul de macro. Puis là, chaque semaine, ça change un peu tes chiffres. Faut pas que tu arrives à un plateau. Tu sais, souvent, tu établis comme un menu ou tu établis quelque chose, puis là, tu manges toujours pareil. Puis là, à un moment donné, tu te dis comme OK, ben je perds plus de poids, mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? À ce moment-là, avec un site comme ça, c'est ou une vraie personne, là, une vraie diététiste. Ça te permet d'ajuster tes nombres un peu à chaque semaine selon tes buts ou selon ton entraînement. Si une semaine tu fais un entraînement plus intense, ça va te donner un petit peu plus de lousse dans ta nourriture et tout. Et puis donc ça s'ajuste avec ce que tu fais. Donc ça, je pense que c'est bien aussi parce que ça permet de suivre plus la vraie vie là, puis d'être plus près de notre but. C'est sûr que des fois, il y en a pour qui ça va bien seul, mais des fois, on a besoin d'une nutritionniste, une diététiste qui va nous aider à avoir des résultats maximales. Stéphanie Ray et Kate Anna du service du traiteur Le Gosier à Barrie. Je vous remercie et j'espère que pour toutes les gens, pour vous, pour moi, on va être capable de perdre notre poids ou sinon d'augmenter notre masse avec les conseils de ces jolies jeunes femmes. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Bonne journée. Bye.